partie sans toi. Parce qu'une étoile l'a voulu, j'aurais voulu rester toujours. Mais je t'emporte en moi, bientôt je serai revenu. Ce soir, demain, un autre jour. Déjà combien je t'aimerai un jour quand je te reverrai. Duh.